إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on est au cours numéro 24 dans la série des durus de Al-Mulakhas al-Fiqhi, un livre de fiqh écrit par le Cheikh Saleh al-Fawzan. Donc on continue aujourd'hui, on est arrivé au chapitre Babun fil ahkam allati tata'allaqu bil masbuq, c'est-à-dire un chapitre au sujet des règles qui ont rapport avec la personne qui arrive à la prière, qui arrive à la mosquée à la prière, alors que les gens, l'imam a déjà commencé avec les musulmans, ils ont déjà commencé à prier. Alors qu'est-ce que la personne qui arrive après, yani durant que la prière est commencée, qu'est-ce qu'elle fait cette personne? Donc le cheikh il dit الصحيح من قولي العلماء أن المسبوق لا يدرك الصلاة الجماعة إلا بإدراك ركعة فإن أدرك أقل من ذلك لم يكن مدركا للجماعة ولكن يدخل مع الإمام فيما أدرك وله بنيته أجر الجماعة كما إذا وجدهم قد صلوا فإن له بنيته أجر من صلى في جماعة كما وردت به الأحاديث أن من نوى الخير ولم يتمكن من فعله كتب له مثل أجر من فعله. Donc le cheikh il dit ici que l'opinion correcte parmi les positions des ulama au sujet de la personne qui arrive et qui trouve que les gens ont déjà commencé à prier, c'est qu'il doit, pour qu'il ait réellement rattrapé la jama'a, ou pour dire qu'il a réussi à atteindre la jama'a avant la fin de la prière, il faut qu'il ait au moins attrapé une raka'a. Il faut qu'il ait rattrapé une raka'a de la prière en groupe. S'il a attrapé ou s'il a rattrapé moins que ça, ou s'il est arrivé après le dernier raka'a, s'il est arrivé dans la dernière raka'a après le ruku', il n'a pas eu la jama'a, il n'a pas prié en groupe. Et donc pour qu'il ait prié en groupe, il faut qu'il arrive avant, ou bien il faut qu'il ait au moins une raka'a avec la jama'a. Et le cheikh il dit le minimum pour que tu aies atteint la jama'a atteint, c'est que tu aies attrapé au moins une raka'a, c'est-à-dire que tu arrives avant que l'imam se relève du dernier recours dans la prière. C'est ça ce qu'il dit. Si par exemple tu arrives après ça, c'est-à-dire après que l'imam s'est relevé du dernier recours dans la prière, eh bien tu dois quand même rentrer dans les rangs et prier avec les gens et tu complètes par la suite ce que tu as fait. Sauf que tu n'es pas considéré comme ayant prié avec la jama'a. Excepté par exemple, selon ton intention, Alors, si tu as eu l'intention d'arriver à temps pour la jama'a, mais que quelque chose t'a retenu en chemin ou quelque chose comme ça, eh bien, dans ce cas-là, selon ton intention, tu auras la récompense de la jama'a. Comme si, par exemple, Yanni, tu arrives et tu trouves que les gens ont déjà terminé la prière, mais tu auras la récompense de la jama'a, comme c'est rapporté dans plusieurs hadiths qui mentionnent que celui qui a eu l'intention de faire quelque chose de bien, mais qui n'a pas réussi à le faire, hein, eh ben, il aura la récompense comme si il l'avait fait. Après, le cheikh il continue, il dit: wa tudraku ar-rak'a bi idrak ar-ruku'i 'ala as-sahih li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam man adraka ar-ruku' fakad adraka ar-rak'a rawahu Abu Dawud ولما في الصحيح من حديث أبي بكر وقد جاء والنبي صلى الله عليه وسلم في الركوع فركع دون الصف ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الركعة فدل على الاجتزاء بها. Donc le cheikh il dit que lorsque tu as réussi à attraper une raka, c'est comme si lorsque tu as réussi à attraper le recours dans la prière, c'est-à-dire que tu arrives dans la prière avant que l'imam se relève du recours, eh bien tu as attrapé cette raka. Ok, tu as attrapé cette raka. Donc c'est basé sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Abu Dawud selon Abi Bakra. Et il y a également une version de ce hadith qui est rapportée par Al-Bukhari également. Toutefois, la version d'Abu Daoud, elle est sahih, comme l'imam Al-Albani l'a mentionné dans Irwa al-Ghalil. C'est le hadith numéro 496 dans Irwa al-Ghalil. Il dit dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a atteint le recours, c'est comme s'il a attrapé la raka. Ok. Et donc cette version, comme j'ai dit, c'est par Abu Daoud. Et la version de Al-Bukhari, elle dit que yani, Abu Bakr est arrivé et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de faire le recours. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Innahu intaha ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa raki' fa raka'a qabla an yasila ila as-saff fa dhakara dhalika lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qala زادك الله حرصا ولا تعد. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a? Il dit qu'il est arrivé et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans le recours, il était incliné. Alors lorsqu'il a vu ça, il s'est incliné avant d'arriver au rang et il a avancé vers le rang en position d'inclinaison, c'est-à-dire en position de recours. Donc il était en recours et il a avancé pour se mettre avec les autres dans le rang en position de recours. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par la suite, il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit qu'est-ce qu'il avait fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que Allah subhanahu wa ta'ala t'augmente en désir et en effort dans la religion, mais ne recommence pas. Ok, et puis donc ça c'est la version de Al-Bukhari. Ça c'était au sujet de la personne qui se met en recours avant d'arriver au rang. Et le cheikh il dit ensuite: walima fi sahih min hadith Abi Bakr. Ça on l'a mentionné. Donc ça veut dire que je me suis trompé ici. Le hadith rapporté par Abu Dawud, il n'est pas selon Abi Bakr, il est selon Abi Huraira, pardon. Et il est également rapporté par An-Nasa'i. Il est sahih, comme j'ai dit tout à l'heure, dans Irwa al-Ghalil 496. Toutefois, le hadith que j'ai mentionné de Abu Bakr, c'est dans Sahih al-Bukhari. Naam. Donc وقد جاء والنبي صلى الله عليه وسلم في الركوع فركع دون الصف ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الركعة فدل على الاجتزاء بها. Donc c'est ça. Donc il mentionne comme preuve, le cheikh il a mentionné le hadith de Abu Huraira dans Abu Dawud, et il a mentionné ensuite le hadith de Abu Bakr qui est rapporté dans As-Sahih, dans Sahih al-Bukhari. Et le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas demandé de refaire la raka'a qu'il avait attrapé lorsqu'il avait fait le recours. Donc ça veut dire que le fait qu'il ne lui ait pas demandé de refaire cette raka'a, ça prouve que si quelqu'un arrive dans la prière et qu'il se met dans le recours, eh ben s'il a attrapé ça, ça veut dire qu'il a attrapé la raka'a. Et donc c'est une preuve pour montrer que celui qui arrive dans la prière avant que l'imam se relève du recours, il a attrapé la raka'a. Ensuite il dit فَإِنْ أَدْرَكَ الْإِمَامُ رَاكِعًا فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ قَائِمًا ثُمَّ يَرْكَعُ مَعَهُ تَكْبِيرَةً ثَانِيَةً فهذا هو الأفضل وإن اقتصر على تكبيرة يعني تكبيرة الإحرام أجزأته عن تكبيرة الركوع وتكبيرة الإحرام فلا بد من الاتيان بها وهو قائم أما تكبيرة الركوع فمن الأفضل الاتيان بها بعدها. Donc le cheikh ce qu'il dit, il dit que si par exemple quelqu'un arrive et trouve que l'imam est en ركوع, il doit faire le takbir al-ihram lorsqu'il est debout. Donc ça veut dire tu rentres dans la mosquée et tu vois que l'imam est en train de faire le recours. Qu'est-ce que tu fais? Tu te mets pas en recours tout de suite et tu dis Allahu Akbar. Non, tu restes debout, tu fais Allahu Akbar debout et après tu fais Allahu Akbar encore et tu te mets en position de recours. D'accord? Bien entendu, tu dis pas le takbir à haute voix, tu le dis à voix basse. Et donc tu fais le takbir atul ihram en premier, le takbir pour rentrer dans la prière en position debout, Allahu Akbar, puis là tu t'inclines, Allahu Akbar, pour te mettre en recours avec l'imam, d'accord. Et le cheikh il dit ça c'est qu'est-ce qui est de mieux, c'est-à-dire si tu fais ça, ça c'est qu'est-ce qui est mieux à faire. Toutefois si tu fais seulement takbir atul ihram, Allahu Akbar, puis que tu t'inclines sans faire un deuxième takbir, eh bien, c'est quand même accepté également. C'est quand même accepté. Toutefois, il faut que tu fasses ton takbir quand tu es debout. Hein? Non pas en position inclinée. Il faut que tu le fasses quand tu rentres à la prière, tu le fais toujours en ton takbir lorsque tu es debout. Et la même chose, Yannis, si tu rentres et l'imam est en prosternation, tu rentres dans la prière debout, tu dis Allahu Akbar et après tu te prosternes. Ainsi de suite. D'accord. Ensuite, le cheikh il dit وَإِذَا وَجَدَ الْمَسْبُوقُ الْإِمَامُ عَلَى أَيِّ حَالٍ مِنَ الصَّلَاةِ دَخَلَ مَعَهُ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةِ وَغَيْرِهِ إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلَا تَعُدُّوهَا شَيْئًا. Ça c'est un hadith qui est rapporté par Abu Dawood selon Abu Huraira, et il est également déclaré sahih par Cheikh Al-Albani dans Irwa Al-Khalil, et c'est le hadith 495. Ça dit, et lorsque tu rentres, la personne qui arrive en retard, elle trouve que l'imam a commencé, et il dit le cheikh il dit que la personne qui rentre et qui trouve l'imam en train de faire n'importe quelle position, n'importe quel geste dans la prière, il entre et il les suit, il fait qu'est-ce qu'ils font. Et il base ça sur un hadith qui est rapporté par Abi Huraira, selon Abi Huraira par l'imam Abu Dawood, qui dit que lorsque tu arrives à la prière et que tu nous trouves en prosternation, alors prosterne-toi, mais ne considère cette raka, ne la considère pas comme étant rien, c'est-à-dire il ne faut pas que tu comptes cette raka comme étant valable parce que tu es arrivé après que l'imam s'est relevé du recours. Donc si tu trouves les gens en train d'être en position de prosternation, eh ben tu te prosternes avec eux, mais tu comptes pas cette raka, hein, tu comptes seulement celle qui vient après. Et yani, ça c'est pour corriger l'erreur de certains. Qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils rentrent dans la mosquée et qu'ils trouvent que l'imam a déjà terminé le recours et qu'il s'est relevé du recours? Donc à eux ils attendent que l'imam se relève d'une autre raka avant de faire la prière. Et ça c'est, ou avant de rentrer dans la prière, et ça c'est une erreur. Il faut pas attendre. Il y en a qui rentrent et l'imam est prosterné. Eux, ils attendent que l'imam se relève dans une autre raka pour s'asseoir. Hein? Donc, il faut pas qu'ils fassent ça. Ils doivent se mettre avec les gens dans la position dans laquelle ils sont et ils continuent sa prière avec eux par la suite. Le cheikh dit, وَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ التَّسْلِيمَةَ الثَّانِيَةَ قام المسبوق ليأتي بما فاته من الصلاة ولا يقوم قبل التسليمة الثانية. Donc ici l'imam il dit que si l'imam a fait le taslim après le deuxième taslim, c'est-à-dire quand l'imam se tourne à droite, il fait assalamu alaykum wa rahmatullah. La personne ne doit pas se lever excepté quand l'imam a terminé le deuxième taslim du côté gauche, assalamu alaykum wa rahmatullah. Là, elle se lève. Il dit qu'elle ne doit pas se relever après le premier taslim. Et à ce sujet-là, bien sûr, il y a des différences d'opinion. Et le cheikh n'a pas mentionné de dalil à ce sujet-là. Toutefois, ça a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le taslim en disant uniquement assalamu alaykum wa rahmatullah du côté droit une seule fois sans faire le côté gauche, comme c'est mentionné dans Sifat Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam du Cheikh al-Albani. Donc vous pouvez retourner à ce livre. Le Cheikh il dit ensuite wa ma adraka al-masbuq ma'a imamihi fa huwa awwal salatihi ala al-qawl as-sahih wa ma ya'ti bihi ba'da salam al-imam fa huwa akhiruha لقوله عليه الصلاة والسلام وما فاتكم فأتموا وهو رواية الجمهور للحديث. Donc le cheikh il dit lorsque la personne arrive et qu'il trouve que l'imam a commencé la prière, eh ben quand il rentre dans la prière avec la jama'a, il considère que ce qu'il fait c'est le début de sa prière. Ok, il considère pas que il rentre, comme par exemple, il rentre et l'imam est en train de faire la deuxième raka ou la troisième raka. Il commence pas à dire, par exemple, bon, si je suis rentré dans la deuxième raka, ça veut dire que je suis en train de faire la deuxième raka, puis à la fin, je vais faire la première. Hein, comme certains qui s'imaginent que lorsqu'ils rentrent dans la prière, et l'imam a fait il est en train de faire la première, la deuxième ou la troisième ou la quatrième raka'a, eux ils s'imaginent que pour eux ça c'est la deuxième ou la troisième ou la quatrième. Toutefois, si tu rentres dans la prière et l'imam fait la deuxième raka'a par exemple, eh ben pour toi c'est la première. Pour lui, pour l'imam et pour les gens, c'est la deuxième. Mais pour toi, c'est ta première raka'a. Et donc tu continues à compter jusqu'à quatre. Si c'est la prière de Asr par exemple, ou de Isha, ou de Zohor. Quand l'imam va terminer sa prière et fait le taslim, toi tu te relèves et tu fais ta quatrième raka toute seule. Hein? Et donc, quand tu termines, tu lis pas à haute voix si c'est la quatrième, t'as manqué la première raka, tu vas pas lire à haute voix comme si c'est ta première raka. Tu vas lire à voix basse al-Fatiha et tu lis pas une deuxième surah. Puisque c'est pas dans la quatrième raka qu'on fait ça, c'est pas obligatoire de faire ça. Donc dans ce sens-là, Yann. Parce qu'il y en a dans d'autres positions, certains ulama qui disent que la dernière raka que tu fais ou celle que tu refais après que l'imam a fait le taslim, ils s'imaginent que ils recommencent les prières du début qu'ils n'ont pas fait, ou ils recommencent les raka qu'ils n'ont pas fait avec l'imam auparavant. D'accord. Donc c'est juste pour clarifier cette position-là parce que souvent les gens posent cette question. Le cheikh il dit, donc ça c'est la, il dit que ça c'est la position la plus correcte. Donc qu'est-ce que tu fais de la prière que tu as manqué après le taslim de l'imam? Eh bien pour toi c'est la fin de ta prière à cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit. Qu'est-ce que vous avez manqué, alors complétez-le. Et ça c'est une narration qui est authentique, hein, rapportée par An-Nasa'i Et Cheikh Al-Albani il l'a déclaré comme étant sahih. Il s'est rapporté selon Abu Huraira. Et Yani également, bon, oui, c'est ça. Il y a d'autres narrations de ce hadith-là. Il y en a d'autres qui mentionnent par exemple Oma fatakum faqdu, hein, qu'est-ce que vous avez manqué, alors faites-le. Hein. Et ils disent que ça con... le chef il dit وهو رواية للجمهور أو رواية الجمهور للحديث وإتمام الشيء لا يأتي إلا بعد تقدم أوله ورواية ما فاتكم فقد لا تخالف رواية أتم لأن القضاء يراد به الفعل لقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة وقوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فيحمل قوله فقد على الأداء والفراغ والله أعلم. Donc le cheikh il dit que ça c'est la version qui dit وما فاتكم فأتموا, c'est que ce que vous avez manqué complétez-le. Ça c'est la narration du jumhur, de la majorité qui ont rapporté ce hadith. Après il y a une autre narration de ce hadith qui mentionne ce que vous avez manqué, alors reprenez-le. Et il dit le chef que ça, il n'y a pas de contradiction entre cette narration-là et l'autre, parce que les deux ont la même signification. Comme dans le verset dans Surat al-Jumu'ah qui dit فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ, lorsque la prière est terminée. Et فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ, lorsque vous avez terminé vos manasik. Ça c'est le verset 200 dans Surat al-Baqarah. Donc il dit, on peut donc comprendre que le terme faqdo, ça veut dire de le faire et de terminer de le faire. Donc wallahu a'lam. Donc ça veut dire que yani, selon cette narration là, ça voudrait dire que de compléter quelque chose, ça veut dire que de faire qu'est-ce que tu n'as pas fait, yani qu'est-ce que les autres ont fait et que toi tu n'as pas encore terminé, donc tu le complètes. Après il dit wa idha kanat as-salat jahriyatun, إذا كانت الصلاة جهرية وجب على المأموم أن يستمع لقراءة الإمام ولا يجوز له أن يقرأ وإمامه يقرأ لا سورة الفاتحة ولا غيرها لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال الإمام أحمد أجمعوا على أن هذه الآية في الصلاة فلو أن القراءة تجب على المأموم لما أمر بتركها لسنة الاستماع, ولأنه إذا انشغل المأموم بالقراءة لم يكن لجهل الإمام فائدة, لأن تأمين المأمون على قراءة الإمام ينزل منزلة قراءتها. فقد قال تعالى لموسى وهارون نعم قد أجيبت دعوتكما, وقد دعا موسى فقال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا وأمن هارون على دعائه, فنزل تأمينه أو تأمينه منزلة من دعا, فقال تعالى قد أجبت دعوتكما, فدل على أن من أمن على دعاء فكأنما قاله. Donc le cheikh il dit que si la prière que les gens prient est une prière qu'on fait à haute voix, c'est-à-dire que l'imam récite à haute voix, il dit que les gens qui prient derrière lui doivent écouter la récitation de l'imam, et ce n'est pas permis pour eux de réciter lorsque l'imam récite. Il dit que même la sourate al-Fatiha est nul autre parmi les sourates. Et il dit que ça c'est basé sur le verset 204 dans sourate al-A'raf qui dit « Et lorsque le Coran est récité, alors écoutez et gardez le silence » pour que vous ayez, pour qu'on vous fasse miséricorde. Ensuite, il mentionne une parole de l'imam Ahmad qui dit que il y a une ijma au sujet que ce verset-là est à propos de la prière. Donc, le cheikh il dit donc si la récitation Il dit que si la récitation était obligatoire pour la personne qui prie derrière l'imam, eh bien, on n'aurait pas ordonné à celui qui prie derrière l'imam d'abandonner cette obligation-là pour la sunna de l'écoute. Et il dit également que si la personne qui est derrière l'imam est occupée à réciter des versets de Coran, eh bien, il n'y a pas aucun, profit ou bienfait du fait que l'imam récite à haute voix. Donc, à quoi servirait que l'imam récite à haute voix si les gens qui sont derrière lui récitent eux aussi en même temps? Donc, le but de la récitation à haute voix, c'est qu'on puisse écouter qu'est-ce que l'imam récite et méditer sur le sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala durant la prière. Et ensuite, le cheikh, il dit que également le fait que la personne qui prie derrière l'imam répond Amin après avoir récité la Fatiha, il dit que ça c'est comme si il l'a récité lui-même. Et il mentionne comme preuve de ça l'exemple de Moïse et de Haroun. Dans Sourate Younes, le verset 89, c'est mentionné que Allah subhanahu wa ta'ala a dit: j'ai répondu à votre da'wa à tous les deux, ou à votre dua à tous les deux. C'est-à-dire que Moïse faisait le dua, il disait: ô notre Seigneur, tu as donné à Pharaon et à son ministre des parures et des biens dans cette vie précédente, dans cette vie présente. Et ça, c'est le verset 88 qui avance l'autre. Et à Haroun, lui, son frère, qu'est-ce qu'il faisait? Il disait Amin à chaque dua. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme s'il a considéré que le fait que Haroun disait Amin, c'était au même degré que s'il avait fait lui-même le dua avec Moussa. Et donc, il a dit dans la réponse, dans le verset suivant: j'ai répondu à votre dua à vous tous les deux. Comme si en voulant dire que tous les deux avaient fait le dua, même si c'était seulement Moïse qui faisait le dua et Haroun lui faisait seulement que dire Amin. Donc, ça c'est la preuve que celui qui dit Amin lorsqu'il entend un dua, c'est comme si il a fait ce dua là lui-même. Ensuite, il dit amma idha kanat salatun sirriya aw kana al-ma'mum la yasma'u al-imam فإنه يقرأ الفاتحة في هذه الحال، وبهذا تجتمع الأدلة، أي وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية، والله أعلم. Donc le cheikh dit, pour compléter l'explication de ce principe là, il dit que si par exemple la prière est une prière à voix basse, c'est-à-dire une prière qu'on ne récite pas à voix haute, eh bien les gens qui sont derrière l'imam, il dit si les gens sont en train de prier une prière à voix basse comme la prière de Dhuhr et la prière de Asr, donc dans ce cas-là, ou bien dans les deux dernières rakat de Al-Isha, ou bien dans la rakat de Maghrib qu'on fait à la troisième rak'a, dans ces rak'at-là, eh bien, l'imam ne récite pas Al-Fatiha à haute voix, il ne récite pas non plus une autre surah à haute voix. Donc, dans ce cas-là, ou bien si c'est une prière comme Asr et Zohor, donc il ne récite pas à haute voix. J'espère que je ne me suis pas trompé là, dans ce que j'ai dit. Je vais répéter encore: si c'est une prière dans laquelle l'imam ne récite pas à haute voix, il récite en lui-même, alors dans ce cas-là, la personne qui est derrière, elle récite Al-Fatiha elle aussi. Elle récite elle aussi Al-Fatiha. Ou bien le cheikh, il dit également que si la personne qui prie derrière l'imam est dans une position où l'imam ne l'entend pas réciter, c'est-à-dire il récite à voix basse, et l'imam ne va pas être dérangé par sa récitation, ni la personne qui est à côté, alors dans ce cas-là, il peut réciter Al-Fatiha dans ce cas-là. Et il dit que c'est comme ça qu'on est capable de réunir les preuves à ce sujet-là qui pourrait paraître comme en conflit ou qui pourrait paraître comme étant contradictoire. Parce qu'il y a un verset qui dit qu'il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas récité Al-Fatiha. Et il y a d'autres versets qui mentionnent et des hadiths qui mentionnent de ne pas réciter derrière l'imam. Donc, pour réunir ces hadiths ensemble, eh bien, c'est ça que le cheikh explique. Il dit que lorsque l'imam récite à voix basse, tu récites en toi-même. Et ou bien si l'imam ne t'entend pas, tu récites en toi-même. Toutefois, si l'imam récite à haute voix dans la prière, eh bien là, dans ce cas-là, tu récites pas. D'accord, et même à ce sujet-là, il y a beaucoup de différences d'opinion entre les ulama. Et il y en a des ulama aussi qui ont dit que même si tu pries à voix haute, même si l'imam prie, récite à voix haute, tu dois également réciter Al-Fatiha, au moins Al-Fatiha, et non pas une autre surah après, mais Al-Fatiha, parce que c'est un des piliers dans la prière. De réciter Al-Fatiha. Lorsque tu, par exemple, tu vas réciter Al-Fatiha et que l'imam récite à voix haute, certains ulama ont dit tu récites durant les silences de l'imam. Et certains ont dit tu récites entre, par exemple, chaque ayah, si l'imam s'arrête en chaque ayah, tu récites durant ce moment-là, mais à voix basse en toi-même. D'autres ont dit également entre la Fatiha et l'autre surah qui vient après, tu récites Al-Fatiha. Donc c'est une autre position à ce sujet-là qui réussit également à réunir les preuves à ce sujet-là. Et comme je dis, il y a beaucoup de positions différentes à ce sujet-là. Donc wallahu a'lam yani. Après le cheikh dit wa min ahkam salatul jama'a al-muhimma wujub al-iqtida أو وجوب اقتداء المأموم بالإمام بالمتابعة التامة له وتحريم مسابقته لأن المأموم متبع لإمامه مقتد به والتابع المقتدى لا يتقدم على متبوعه وقدوته والتابع المقتدي لا يتقدم على متبوعه وقدوته. Donc le cheikh il dit que parmi les règles de la prière qui sont très importantes, il y a l'obligation de suivre l'imam et de le suivre complètement, et que c'est interdit de le précéder dans sa prière. Pourquoi? Parce que l'imam est là pour qu'on le suive, et donc la personne qui suit ne peut pas précéder son imam, ok, parce qu'il est là pour suivre, l'imam est là pour être suivi, et on n'a pas le droit donc d'avoir précédence ou de le dépasser. وقد قال صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار متفق عليه. Donc ça c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: est-ce que celui qui dépasse l'imam ou qui lève sa tête avant l'imam n'a pas peur que Allah subhanahu wa ta'ala change sa tête en tête d'âne, ou bien qu'il transforme son apparence en une apparence d'âne? Donc ça c'est pour faire comprendre que c'est dangereux pour quelqu'un de dépasser son imam ou de faire des mouvements avant l'imam. Après le cheikh il dit فَمَنْ تَقَدَّمَ عَلَى إِمَامِهِ كَانَ كَالْحِمَارِ الَّذِي لَا يَفْقَهُ مَا يُرَادُ بِعَمَلِهِ وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ اسْتَحَقَّ الْعُقُوبَةِ. Il dit que la personne, d'après qu'est-ce qui précède, qu'est-ce qui vient d'être expliqué dans le hadith, la personne qui dépasse l'imam, c'est comme un âne. Elle ne comprend pas qu'est-ce qu'on veut d'elle. Et yani, celui qui fait ça, il mérite réellement une punition. Le cheikh il dit, « وفي الحديث الصحيح إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تركعوا حتى يركع ولا تسجدوا حتى يسجد. » Le cheikh il dit que ça c'est un autre hadith qui est rapporté par l'imam Muslim selon Abi Huraira, qui dit que l'imam a uniquement été placé pour qu'on le suive. Alors ne faites pas le recours avant que l'imam fasse le recours, et ne faites pas le sujoud avant qu'il décide de faire le sujoud. Wa rawa al-imam Ahmad wa Abu Daoud, إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. C'est-à-dire que l'imam Ahmad et Abu Dawood ont rapporté, ils ont dit que l'imam a uniquement été établi pour qu'on le suive. Okay. Et celui qui fait le recours, lorsque l'imam fait le recours, alors faites le recours. Et lorsque l'imam si l'imam fait le recours, alors faites le recours, et ne faites pas le recours jusqu'à ce qu'il ait lui-même fait le recours. Et lorsqu'il se prosterne, alors faites la prosternation et ne vous prosternez pas tant qu'il ne s'est pas prosterné. Et ça c'est quelque chose malheureusement que souvent les musulmans négligent, hein. Et c'est un hadith rapporté par Ahmad et Abu Daoud, et également Bukhari et Muslim l'ont rapporté dans une autre avec d'autres mots, mais c'est la même signification. Et souvent on trouve des musulmans de nos jours qui ont contredit ce hadith, ok, qui respectent pas cet ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils font les prosternations en même temps et le recours en même temps que l'imam. Ils n'attendent pas que l'imam ait terminé son mouvement pour commencer à faire le mouvement. Et ça, c'est contraire à la sunna. Parce qu'il ne faut pas précéder l'imam, et il ne faut pas non plus être en même temps que lui. Il faut être après lui, parce qu'il faut le suivre. Le cheikh dit, « Wa kana as-sahabatu khalfa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, la yuhna ahadun, ou la yahni, لا يحني أحد منهم ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم يقعون سجودا بعده. Donc ça c'est un hadith qui est apporté selon Azib Al-Bara ibn Azib par Al-Bukhari et Muslim. Et ce hadith-là, ça dit que les sahaba, lorsqu'ils priaient derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne commençaient pas à pencher leur dos jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit complètement prosterné. Donc quand ils voyaient que le front du prophète sallallahu alayhi wa sallam avait touché le sol, et bien là, ils commençaient à se prosterner. Ils ne se prosternaient pas avant ça. Et aujourd'hui, subhanallah, juste au moment où parfois l'imam commence à incliner un peu son dos pour se diriger vers la prosternation, il y a des musulmans qui déjà commencent à se prosterner eux aussi, hein. Il n'a même pas terminé l'imam de mettre son front par terre, et déjà les gens ont déjà commencé leur mouvement eux aussi. Et ça, comme on a dit, c'est contraire à la sunna. Ensuite, le cheikh il dit, ولما رأى عمر رضي الله عنه رجلا يسابق الإمام ضربه وقال لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت وهذا شيء يتساهل فيه ويتجاهله بعض المصلين فيسابقون الإمام ويتعرضون للوعيد الشديد بل يخشى أن لا تصح صلاتهم. Le cheikh il dit que l'imam Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il a vu un homme qui dépassait l'imam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu une personne qui dépassait l'imam dans sa prière. Alors il l'a frappé. Et lui a dit, tu n'as pas prié seul et tu n'étais pas basé sur, ou tu n'as pas suivi ton imam. Donc tu n'as pas prié seul et tu n'as pas suivi ton imam. Donc il l'a puni en disant ça. Et il a dit que le cheikh il dit que Beaucoup de gens aujourd'hui, ils prennent ça à la légère, ou bien ils ignorent. Hein? Et yani, beaucoup de gens, ils dépassent l'imam dans les mouvements de la prière. Et donc, ils se mettent sous la menace de qu'est-ce qui est mentionné dans les hadiths à ce sujet-là. Et ça, c'est dangereux, yani, et on craint pour eux que leur prière ne soit pas acceptée. روى الإمام وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. Et ça c'est un hadith rapporté par Muslim selon Anas qui dit que yani, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit ne me dépassez pas dans le recou ni dans le sujoud. Et non plus dans le, lorsque je quitte, c'est-à-dire ne vous tournez pas avant moi. Lorsque je quitte la prière, ne vous tournez pas avant que je me sois tourné. Ensuite, le cheikh il dit, قال شيخ الإسلام ابن تيمية مسابقة الإمام حرام باتفاق الأئمة لا يجوز لأحد أن يركع قبل إمامه ولا يرفع قبل ولا يرفع قبله ولا يسجد قبله وقد استفاضت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك. Donc le cheikh il mentionne les paroles de Ibn Taymiyyah dans Majmou' al-Fatawa qui dit que de dépasser l'imam est haram selon l'accord de tous les ulama. Tous les ulama sont d'accord là-dessus et il dit qu'il n'est pas permis pour quiconque de se prosterner ou de s'incliner avant l'imam ou de se relever avant l'imam. Et de, donc il dit qu'il y a des preuves innombrables yani à ce sujet-là de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui interdit de faire ça. Et ensuite il dit wa musabaqatu l'imam tala'abun min ash-shaytan bi ba'd al-musallin hatta yukhill bi salatihi wa illa فماذا يستفيد الذي يسابقه أو يسابق الإمام لأنه لن يخرج من الصلاة إلا بعد سلام الإمام. Le cheikh il dit que lorsque tu commences, il dit que le fait de dépasser l'imam, ça fait partie des jeux du shaitan, que le shaitan joue avec certains parmi les gens qui prient et qui rend leur prière imparfaite, yani incomplète. Et le cheikh il dit que de toute façon, la personne qui dépasse l'imam, qu'est-ce qu'elle espère, hein? Qu'est-ce qu'elle pense? Est-ce qu'elle pense qu'elle va réussir à dépasser l'imam et qu'elle va terminer la prière en premier, hein? Donc, yani, de toute façon, même si tu essaies de dépasser l'imam, le cheikh dit, même si tu essaies de dépasser l'imam, tu ne peux pas sortir de la prière avant l'imam, hein? Avant que l'imam ait fait le taslim. Donc, le fait que tu veux te presser ou te dépêcher, eh bien, ça sert à rien puisque tu dois attendre quand même que l'imam est terminé. Donc, le cheikh, il dit, فَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَنَبَّهَ بِذَلِكَ وَأَنْ يَكُونَ مُلْتَزِمًا لِأَحْكَامِ الْإِتِمَامِ وَالْإِقْتِدَاءِ نَسْأَلُ اللَّهَ لِلْجَمِيعِ الْفِقْهِ فِي الدِّينِ وَالْبَصِيرَةِ فِي أَحْكَامِهِ إنه سميع مجيب فإنه من يرد به خيرا يفقه في الدين. Le cheikh il dit donc il est obligatoire aux musulmans de faire attention à ça et il faut qu'ils suivent et qu'ils appliquent les règles de la prière en groupe, etc., comme on l'a mentionné. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner à tous la compréhension de la religion et la connaissance des règles. Et Allah subhanahu wa ta'ala est audient et il exauce les péchés, les prières et les doigts qu'on fait. Et donc, celui pour qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Donc, aujourd'hui, on va s'arrêter ici, inshallah. Puis, la semaine prochaine, on continuera ça en expliquant les règles qui ont rapport avec la prière à la mosquée pour les femmes, les règles que les femmes doivent respecter lorsqu'elles sortent pour aller à la prière. Donc on va s'arrêter ici, puis on continuera la semaine prochaine. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayh. Et c'est possible que la semaine prochaine on change un peu l'heure de du dars pour faciliter aux frères qui sont en France. Peut-être on va le faire à 9h30 plutôt que de le faire à 9h. À bientôt inchallah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayh.